je vous remplacerai. Na kozongi sera bila. Les années. Mibu. Ce sont les années du rétablissement du. Les années mibu ya kozongi d'ici. Ata ekosala bambou le belé, ngai passe za konate. Zambe si alo waki bamboula. Amen. Yemo konda yebi e bandeli peshuka ya tango. Amen. Mais avant que cet âme ne vienne, y a moins de temps où moi il a rétablissement de tout ça. Élie, deux heures finies d'abord. Élie, c'est que la carrière dans les bosses. Et je vous dis maintenant. Mais il faut faire ça bien. Jésus doit revenir. Jésus, Zonga. Aujourd'hui je vous parle. Les noms n'ont rien à voir. Jésus-Christ doit revenir. Jésus-Christ a confondu les sources. Mais aujourd'hui où je vous parle, là, Élie qui devait rétablir toutes choses est déjà venu. Élie, oh, qui concerne sa macamounos à Sariaki. Il n'y en a pas un autre qui viendra. Et ça, nous tous, nous, Yakoya, pour rétablir toutes choses. Voilà comment nous sommes macamounos. Retenez bien ça. Bon, quand on dit. Il n'y en a pas un autre qui viendra. Et ça, nous tous, nous, Yakoya, fait. Il n'y en a pas Asate. Pour rétablir toutes choses. Voilà, ni parmi les nations. Ni en Israël. Celui qui devait venir. Et est déjà venu. L'Élie qui devait venir. Et est déjà venu. C'est fini. Et fini. Le temps déjà venu. C'est de l'histoire. C'est déjà passé. Et c'est l'équipe. Racontez ça à vos enfants. Bon, ça, bana, et vos enfants de vos enfants. Na, bana, et bana, et si une génération s'éteint, racontez ça à la génération qui viendra. Dieu l'a déjà fait. Dame, mais qu'est-ce que nous attendons maintenant? Dans Hébreux 10. Bah, et bien, qui doit venir maintenant? Koya, ça, ça Hébreux 10. Et bien, il faut que la parole ait raison en tout. Et c'est l'église le bas, quand on a un long ananioso. Hébreux chapitre 10. Bah, et bien, mon caponazoni. Il dit ceci. Allez, oui. Au verset 37. L'on va se trouver dans la sambo. Encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Pour être nano, moi tant que moqué, il est oyazali koya, à koya. Et il ne tardera pas. Verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Pour se faire. Mais de ceux qui ont la foi. Pour sauver les rames. Comment est-ce qu'au monde ce passage pouvait se matérialiser, se réaliser? Alors que Jésus avait posé la question dans Luc 18 au verset 8. Au sujet de la foi, quand le Fils de l'homme viendra, nous verrons la foi sur la terre. Parce qu'il savait que les gens devaient abandonner la foi dans les derniers jours. La foi serait détruite et abandonnée. Mais Élie devait revenir. Pour rétablir la bonne foi. La consommation de Jésus condima. Dans Marc 9, 12. Pour rétablir toute chose. Il y a quoi pour la consommation. Dans Malachie 4, verset 5. C'est dans Malachie 4, il vient ramener le cœur des enfants à leur père. Il y a un consommation. C'est-à-dire le même Élie qui devait rétablir tout chose. Le même Élie qui devait ramener le cœur des enfants à leur père. Ramener le cœur des enfants à leur père, ce n'est pas synonyme de rétablir toute chose. Rétablir toute chose, c'est rétablir toute chose. Mais ramener le cœur des enfants à leur père. Voulez-vous croire la Bible comme elle est écrite? Voulez-vous arrêter tout esprit de confusion? Voulez-vous la même chose? Il ment. C'est pas la même chose. Ramenez le cœur des enfants à leur père. Nous sommes à mi-temps à la banane. Ramenez le cœur des enfants. Mi-temps à la banane. Ramener le cœur des pères à leurs enfants. Ce n'est pas non plus synonyme de ramener le cœur des enfants à leurs pères. C'est des choses différentes. Il y a l'Éric Jean-Baptiste. Il y a ramener le cœur des pères à leurs enfants. C'est que lui Jean-Baptiste a fait là. C'est pas ce que l'Élie du dernier jour devait faire. Voilà pourquoi l'ange était prêt. Ça l'a parlé de moi, j'ai la qui prenait la sécurité. Quand il a parlé de la mission de Jean-Baptiste, il marchera devant Dieu. Dans l'esprit et la puissance de Dieu. Pour ramener le cœur de père à leurs enfants. Et fini. Il laisse à Tiki la portion qui parle et il ramène le cœur des enfants à la qui est dans Malachie 4-6. Il laisse il cette portion là à Tiki au futur. Et ce qui concernait Jean-Baptiste, la portion de ramener le cœur des pères à leurs enfants. Maintenant, pendant qu'on attend, l'Élie qui doit rétablir toute chose. Malachie 4:5-6. Malachi, vous pouvez me dire, promis un Élie à la kaki et les mots. Pour ramener le cœur des enfants à leur père. Oh, il y a comme le mystère à prendre à la pour ramener le cœur des enfants à leur père. Donc, quand des causons se mettent à prendre à la personne à la main. C'est rétablir la foi. Rien que la foi que les apôtres avaient, la foi, rétablir la foi. La foi qu'il y avait au commencement, cette foi devait être restaurée. Et c'est ça précisément la mission de Malachie 4:6. Et cette mission-là a été accomplie par Élie Branham. Et parce qu'il l'a accompli, ça nous rend capables d'expérimenter et brandir ici. À notre temps, pendant l'attente du retour de Christ, alors passage Jésus-Élengi. Passage biblique Jésus-Élengi. Foi est restauré. Amen. Il fallait foi et la même restaurée. C'est alors que le juste de Dieu vivra par la foi. Pendant que les autres gens de ces temps-là ont abandonné la foi, ils s'attachent à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, qui se prophétisent dans 1 Timothée 4, verset 1. Mais à toi Dieu fait grâce. Tu es confondu avec les infidèles. Il t'a distingué. Il t'a manifesté ses voix. Il t'a montré son message. Que son nom soit béni dans ta vie. Passage au Jésus et l'Église. Amen. Hébreux d'histoire et l'Église. Hébreux d'histoire. Parce que nous sommes des Égyptomoni et l'Yango à la Gama. Boutakala Asiaïe. Amen. Message au rétablissement était Yami. La foi est déjà restaurée, mais toutes choses aussi doivent être rétablies. Tout ce que l'Église a perdu doit lui être ramené. Selon la promesse de Marc 9, verset 12. Qui vient compléter Malachie 4, verset 6. Ce sont des promesses qui devaient être accomplies par un même prophète. Mais ne confondez pas ces deux missions précises. Les deux missions prophétiques. L'une, c'est ramener le cœur des enfants à leur père. Et ça, c'est la foi qui doit être ramenée. C'est la foi qui doit être restaurée. Et l'autre mission C'est le rétablissement de toutes choses. Mais sans la foi, comment aurons-nous le rétablissement de tout? Sans la parole, comment aurons-nous le rétablissement de tout? Mais il faut que nous ayons la parole qui suscite la foi. Pour nous faire croire que tout sera rétabli. Tout ce que l'Église a perdu. Hein? Ça prendra des années. Et vos amis bou, hein? Dieu avait prévu comme ça. Et ça prend effectivement des années. Et les amis bou. Dans l'univers, le monde entier, comme on a vu vendredi. Encore un peu de temps. Parce que nous vivons maintenant dans cette jonction entre le marteau et l'enclume. Vous allez conduire qu'on attend voilà la catikati. La jonction ici. Awa bon. Jésus-Christ est ici. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a awa? N'est-ce pas? Comment dit? Au bout du tunnel. Mais Marc 9 tous est déjà accompli. Malako les bois zone rivale et coquissant. Et les sayaki. Mandaté depuis 1933. Après ça que Moussala commande mon bois en compte beaucoup comme les bois tout court mais ça tu n'as mis ça. C'est ça non? Yangwana. Mandaté. C'est ça qui nous a l'an 33, donc 1933. Ah ouais, non. Pour ne pas vous mettre en difficulté. Vous êtes en continuant dans mon boulot. 1933. Quand on est venu, Élie est venu. Élie a yéi. Il a commencé par l'évangile général. A bandé, n'a pas mal à mal. Sur la guérison divine. N'a pas la capona. N'a pas la capona. N'a pas la capona. N'a comme un primérien, avant de le moto à tanga milité, élevé, proclamé le message du texto, qui ne peut être sans malade, de depuis la fondation du monde. Et même les gens qui avaient écrit n'avaient pas compris. Ata, Jean a écrit sur les sept sceaux. Mais il les a pas compris. Il a vu les symboles, il a reproduit. Le but qu'il lui a donné, c'était d'écrire tout ce qu'il voyait. Et toi, tu es bénéficiaire. Qu'est-ce que tu fais de ce message? Le message fait pression. Depuis 1933. Jusqu'à la venue de Christ. Il fait pression sur les âmes pour qu'elles soient prêtes. Qu'elles se préparent pour être enlevées. Quand Élie est envoyé en 1933. Est-ce que toutes choses étaient déjà rétablies? Aujourd'hui où je vous parle, est-ce que toutes choses sont déjà rétablies dans l'église? Soyez franc. Ça prend des années. Mais tout sera rétabli. L'église reviendra à sa forme glorieuse. Amen. Quand peut-être on pose cette question, tant que je suis dans le mais tout est déjà rétabli. Non, c'est les hommes famille. C'est les hommes famille. Avec des ouvriers d'iniquité dans l'église. Prospère dans les péchés. Vous avez dit qu'on est dans les et des impies qui parlent des messages de manière perverse. Là, vous avez dit qu'on est dans le sang. Et vous dites que tout est rétabli. Il faut que les temps d'Ananias et Saphira nous soient ramenés. Et Seigneur, les temps d'Ananias et Saphira, et les zonga. Frère Branham a dit qu'il viendra un temps. Mais vous n'avez pas de votre courrier. Il y a un de la crainte de Dieu reviendra. Et c'est, vous m'avez dit encore, écoutez. Au soumouki, au côté, ma poitio, mon livre poitio, au mérite au Kosola, frappé de mort, ici même. À la coupe. Amen. À la carte d'église. L'église est à ce niveau-là. Au commencement. Or la promesse dans Agé chapitre 2. Donc on est là qu'on a Agé nous capte. Et que la dernière maison. Et même ce niveau là dans Agé chapitre 2, on n'a pas encore atteint. Quand est-ce que viendra le niveau où nous allons prononcer la parole créatrice? Parce que ça c'est plus glorieux que dans l'église de la Pentecôte. Pierre n'a rien créé. Pedro a quel côté? Paul n'a rien créé. Paul a quel côté? Nous allons prononcer la parole créatrice. Bah, ministre qui m'a demandé, mais Branham l'a fait. Parce que Branham a sali. Comme échantillon pour la restauration. Non, c'est l'excellence que les diables. Montrant que la foi dans cet âge doit atteindre la perfection. Église, réveille-toi. Fais-toi faire des choses inouïes par nous. La dernière brique doit tomber. Le Fils de Dieu doit se manifester. Non pas s'expliquer, mais se manifester. Vous avez changé la manifestation. Tout Dieu est en train d'expliquer des choses. Les gens veulent les démonstrations. La nature tout entière veut voir le Fils de Dieu manifesté. Non pas expliquer, mais manifester. Démonstration. Vous dites amen? Amen. Voulez-vous revenir? Amen. La foi est-elle déjà rétablie? Toutes les vérités fondamentales sont dressées. Celles que nous devons croire. C'est déjà rétabli. Élie est venu. Et par son message, il y a un message de rétablissement complet. Il a rétabli sous forme de parole. Et la parole a été démontrée. Il appartient maintenant à l'église croyante. Il s'ajuste au niveau de la parole. Mais comme je vous ai dit, pendant qu'Élie prêchait, et jusqu'à qu'il ait terminé la prière, il y avait plusieurs d'entre nous qui n'étaient même pas ordonnés. Mais ils sont concernés par le rétablissement de toutes choses. Si Branham avait tout fini, nous, là, nous n'avons plus rien. N'est-ce pas? Mais plutôt, il a donné le message. La parole qui précède. Comme au commencement, Dieu a dit que la lumière soit. Aussitôt que Dieu a dit que la lumière soit, la lumière avait été. Non. Ça a pris du temps. Des années. Le peuple a pris, ça pouvait avoir pris même un millier d'années. Et à un moment donné, la parole prononcée s'est matérialisée. Dans notre temps même, quand Branham a dit qu'il y ait un écureuil ici, il a indiqué trois adresses, trois endroits. Est-ce qu'aussitôt qu'il a fini sa phrase, il y a eu les trois écureuils? Il a attaqué. Quelques heures, le premier est apparu. Il a tiré. Il est allé chercher. Le deuxième n'était pas encore. Et même il attend encore. Surveillant le mouvement sur le deuxième appareil. Après des heures. Le deuxième appareil. Il tire encore. Il est allé chercher. Mais le troisième écrit, il n'était pas toujours. Mais il était déjà commandé. Au même moment que les autres. Mais il n'était pas encore appelé. Il n'était pas encore créé. Il prenait du temps. Et ça devait se manifester. Vers le soir. Pourquoi? Presque à la tombée du soleil là. C'était une journée d'attente. Hein? À un moment, il allait même commencer à douter. Il allait me renoncer et puis il est parti. Mais l'esprit dit, j'ai là. La patience est biblique. Savoir attendre le temps de Dieu. Vers 17h passées. Il a bien encore. Là où la parole avait indiqué de faire des choses. Il a bien pris. Il est allé chercher maintenant. Il a bien fait comme ça, il a tiré, c'est tombé. Maintenant, ramasser les tirés. La nuit est devenue complète. Na, il ne peut plus entrer ici là-bas. Peut-être que c'était une illusion. Non, c'était une réalité. Exactement. Avec des lumières, à l'aide des lumières artificielles. Na, pole, oh, enfin, na, il allait trouver sa fille en bas. Et les trois écrits commandés étaient effectivement créés. C'est la même chose avec le rétablissement de toutes choses. La parole a commandé déjà. Nous sommes dans les temps prévus pour ça. Dieu qui pourra, chaque écriture s'accomplira. J'ai confiance. Parce que nous sommes entre les deux. Élie est déjà venu. Élie est saillé. Lui qui devait précéder le retour de Christ. L'établissement de toutes choses qui devait précéder le retour de Christ est en train de couler déjà. Na tango oyo penza ya mosoko chama kamuno so yagi eya liboso na mosoko Christ. Le temps a déjà commencé. C'est une durée de temps que Dieu seul maîtrise. Et maintenant, il y a un moment, il va siffler la fin de ça. Car si il y a un moment, il va apparaître dans les airs. Si il s'appelle à la il va parler. Et les morts ressusciteront. Il va dire amen. Amen. On a dit que Dieu n'aura qu'à parler. Et les morts en Christ vont sortir. Et le corps sera changé. Ce temps vient. Encore un peu. Non, non, mais et même un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Oui. Et il n'étardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Est-ce que tu n'es pas concerné? Amen. Tu n'es plus du nombre de ceux qui ont abandonné la foi. Tu n'es pas du nombre de ceux qui se sont attachés à des esprits séducteurs. Qui disent que Branham il est Dieu Elohim. Tu n'es pas de ceux-là. Qui brille la Vierge Marie. Comment la Mono Maria. Saint Antoine Anuarite. Mon saint moi si Anuarite. Comment une église qui a fait deux siècles au Congo? Dengenini et que les installés va siècle mi balé na Congo. Elle ne peut compter que 200. Et que quand a obéré ma saint mi balé. C'est mort. Ma saint aussi va couper couteau. Ah. Anuarite et Bakanja. Anuarite na Bakanja. Isidore Bakanja. Isidore Bakanja. Saint Antoine Saint Anuarite Ningapeta. Mon saint Anuarite Ningapeta. Vous vivez deux siècles. C'est que les mêmes allaient pénam bimba. Ça c'est pas correct. Ouais, ça m'a l'amouté. La production est trop pauvre ça. Alors, les amis, il y a mouké ma casse. Seulement beaucoup de cathédrales, des cathédrales. Allemandes, romaines. Des dessins, des dessins. Non, comment m'a dit. Ah, pour les mêmes dessins, voilà. Nous voulons la manifestation de Christ Dieu. L'immunité postale, il s'en a mal à l'amour. Mais c'est quoi ça? J'allais dire non. Maintenant, vous allez faire des photos partout. Vous voyez que ça, les ministres, ils sont avec des calicots. Non. Mbote François. Mbote François. Hein? Le pape doit venir. Pape, c'est à quoi il y a. Et mon collègue, sans aller, sans beau. C'est 2022. Papa Waloma, à quoi il y a, on a un beau cas comme vous. Quel événement, tout le monde est mobilisé. On a mobilisé tout ça. La télévision de François, non? Venez, et comme c'est quoi, nous avons un mot de lobby. Même pas Zambé. Zambé, c'est hein. Ah, la Sainte Église catholique romaine. Église à Kala. Là, dans Zambé, non, il y a l'eau qui va tout. La grande Sainte Église catholique. Église à Kala. Dans Zambé, l'eau qui va tout. Zambé, l'eau qui va tout. Mokozi Wayambo. L'église mère. Il a un problème au genou. Mais de ce qui décide. Le docteur Balobi a bougé. Ce qui t'a coupé, c'est le résultat et le traitement aux oies. Va profiter. Va profiter de la décision de Minganga. Pour reporter les voyages à une date fixée. Donc, il est derrière. Et vous savez quoi? Ils ont profité pour sortir les vidéos comme preuve. Que papa a un problème dans le genou. C'est le pape qui marche. Papa n'a pas Il n'a même pas une petite foi à la guérison divine. Mes chers amis, ça c'est clair. Oh, vous prenez les amis, même pas une petite foi pour croire que Dieu peut guérir. Mais soumis au dictat du maître. Et c'est ça le chef spirituel de l'église. La plus populaire parmi les Dieu conforte les gens. Je ne dis pas qu'on ne peut pas tomber malade. Mais comment vous gérez ça à la face du monde? Où est votre foi? C'est dans la médecine? Où est la puissance de Dieu? Sortez des milliers de. Bon, il m'a un ange puissant est descendu là. Moi, je n'ai pas Apocalypse 18, verset 1 et 4. Il a vu un autre ange puissant. J'en ai vu. Qui descendait du ciel. Et la terre entière a été éclairée de sa gloire. Il s'est écrié d'une voix forte. Elle est tombée. Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons. Un refuge de tout oiseau impur. Et exécrable. C'est ça l'église catholique romaine. Il est devenu un lieu d'habitation des démons. Un lieu de refuge de tout oiseau impie. Et au Dieu, c'est là-bas. Ouna. T'as la sonne. Et puis, il a dit, c'est mal dit. Sortez du milieu de mon peuple. Ne touchez à rien de plus. Sortez du milieu de mon peuple. Afin que vous ne soyez pas frappés de ces fléaux. Dieu veut vous épargner. Qui est cet ange-là? Moi, j'en vois ça. Dans les sermons, pourquoi je suis contre les religions organisées? Dans le sermon, je suis contre les religions organisées. Il dit que c'est le dernier messager que vous voyez dans la série de l'Apocalypse. Celui que vous voyez dans l'Apocalypse 18. C'est le dernier messager qui vient juste avant le chapitre 19 où il est fait mention du festin de noces. Avec le lambeau. Alors le dernier messager qui vient, c'est celui-là qui a crié là. Et il dit, c'est le même messager que dans Malachi 4. Donc l'ange là puissant, qui est descendu, c'est un messager terrestre. Dans le message, la gloire a fait écho dans le ciel. Il a parlé sur la terre. Et le ciel a récupéré ça. En forme d'écho. Il est venu baptiser le 11 juin. Il a récupéré l'événement. Sous forme d'une étoile qui descendait. L'étoile sur le messager. Cette étoile. À la main droite. De celui que Jean a vu. Cette étoile. Les 7 étoiles sont les 7 messages. Et le 11 juin, une étoile descend en tourbillon. Elle donne la commission à un homme qui était sur terre. Oh, si cet homme n'était pas venu à cette rivière-là, l'étoile n'allait pas apparaître. Elle s'est apparue, elle s'est tenue au-dessus de là où lui s'est tenu. Je répète, l'étoile est descendue, une lumière éblouissante, éclatante sur le soleil, à 14h d'après-midi, au-dessus de là où se tenait l'homme. Nicolas et pas y wapi mutu branam et atelemaki. Oh, bien-aimé. Comprenez que ce que lui fait sur la terre a fait écho dans le ciel. Il s'est matérialisé. Il y aura des signes dans les cieux. Des miracles en bas sur la terre. Notre Dieu de son message. Il est le Dieu de l'univers. Il a secoué les cieux et la terre. Il a mobilisé là-bas et ici. Pendant que son messager proclame le message. C'est pour vous dire qu'il est le maître de tout. C'est celui qui veut croire. Oh, il y a une demande. Vous dites amen? Amen. En ce temps ici. Natango. Parole les yeux ringues. Amen. Nous sommes dans Hébreux 10. Vous commandez ici. Vous allez connaître. Encore un peu, verset 37. Encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Et il n'y tardera pas. Amen. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Voici le temps où il faut vivre par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Amen. Qui dit va péter? Amen. Bamba la message. Amen. Tu peux le dire aussi? Bamba la message. Ngai peti koloya. Koloya. Namona ye na miso. Namona na miso. Mbamba na message. Mbamba na message. C'est ça son programme. Ndemo ngona yangwana. C'est ça son programme pour ma mon âme. Bondisi na yepo na bomo ina ngai. Nazana libondisi mususu te. Parole. Libanda libo ya sangoe. Je n'ai pas d'autre consolation. Nazana libondisi mususu te. Je n'aime que ça. Na lingi obele yango. Je ne veux que ça. Na lingi yango kaka. C'est toujours l'ancien saint. Mais Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple le craint. Il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancienne restaurée. Oui, Zongi Sami. L'ancienne évangile. Donnez-moi l'ancienne évangile. Oh, il est si bon pour moi. Ah ouais, donnez-moi l'ancienne évangile. Donnez-moi l'ancienne évangile. Donnez-moi l'ancienne évangile. Il est si bon pour moi. Il était bon pour nos pères. Il fit bon pour Paul et Sylla. Il était bon pour frère Branham. Il est si bon pour moi. Oh, donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Est-il bon pour ton âme? Il est bon pour toi. Maintenant, la manière dont Dieu nous a conduits est telle que si je commence la pensée que nous avons prévue aujourd'hui pour examiner la date du 11 juin, il y aura à peu près que 4 personnes qui vont comprendre. Et ce ne sera pas de l'intérêt de la majorité. Or, nous prêchons pour votre édification. Mais une chose que je veux vous dire, c'est que la date du 11 juin 1933, Abraham ne l'a jamais cité lui-même. Quand il parle de la commission, il n'a jamais cité lui-même. La date du 11 juin 1930. Nulle part. Il a dit que c'était le 11 juin. Alors, il a dit que maintenant vous devez vous questionner, c'est venu d'où? Wana j'ai mon mitoun et wapi. Ok. Est-ce que ça vaut la peine d'en parler? Et dans la moto le belango? Bon, si vous avez la citation de frère Branham, ce qui m'a dit que c'était le 11 juin 1930, après nous allons nous édifier avec ça. Moi je n'en ai pas. Ok? Amen. Ok. Amen. Amen. Amen. Maintenant je vais vous laisser sur cette question-là. Voilà, à côté de nous, quelle date lui-même avait-il cité alors? Allons-y. Dans le sermon sentinelle que dit-il de l'année? Prêché à l'Akport le 22 juillet 1960. Je ne vais pas beaucoup approfondir. Je vais juste introduire la pensée et vous laisser la méditation et vous inviter à revenir la semaine. Comme Dieu voudra nous conduire, c'est la nourriture de notre maison. Sentinelle, que dit-il de la nuit? Prêché le 22 juillet 1960. Je prends là le paragraphe 21. Première partie. Je peux me souvenir na koki kokanisa du 16 août na mukolazobi na motoba sanza ya mwa 1933 mubu ya koto moko ngamba libatu 1933 le 16 août mukolazobi na motoba 1933 sanza ya mwa mubu ya koto moko ngamba libatu 1933 na ngonga zomi na mine je peux dire na koki koloba non je veux dire na ligina loba le 16 juin mukolo zomi na 14 na ngonga na zomi na mini. Êtes-vous là? Vous allez voir, non? Je venais d'être ordonné ministre de l'église baptiste missionnaire. Et j'ai donné mon premier réveil auquel assistaient 3000 personnes. Et quelques. Et alors cet après-midi-là, j'ai baptisé 500 convertis sur la rive de la rivière. Au bas de la rue Spring. Kuna na seya rospi. A Jeffersonville. Kuna na Jeffersonville. Dans l'Indiana. Na Indiana. Où je vivais. Bisikana bana ko vanda. Et les photographes du journal étaient là. Bato ba zwa ke bilili ingi ba zaleke wana. Ainsi que beaucoup de croyants de l'église. Na bandini ebele eklesi. Il y avait environ 7 ou 8 000 personnes sur la rive. Et zalaki na bato koto sambo to mwambi kuna na balabala. Êtes-vous là? Vous êtes là? Il a dit qu'il se souvenait de quelle date? Alors il y a bana ko kanisa na mukono nini? Le 16? Il a commencé par le 16 août. 1933. Or, le 16 août 1933, c'était un mercredi, un jour de la semaine. Mais aussitôt après avoir dit le 16 août, le programme corrige les mois. Je vais dire, le 16 juin. Or, le 16 juin, 1933, c'était un vendredi, un jour intérieur de la semaine. Le 16 août, un mercredi, le 16 juin, annonce. Il dit. Amen. Le 16 juin à 14. Mon est légèrement un procès. Na l'État Moussakoli. Prêché à Tixon. Et tellement qu'il n'a Tixon. Le 27 avril 1964. Le paragraphe 63. Voyez encore ce que dit Frère Branham. Tout le monde est sur le bawa. Et j'éteins un service de baptême à la rivière en 1933. Tu veux bien? Voilà, à la mi-juin. Na katikati ya sanza ya motoba. À la mi-juin. Na katikati ya sanza ya motoba. Entre le 16 ou le 18 juin. Et katikati na mokola zomi na motoba to zomi na mwambe sanza ya motoba. Mosala ya libati. Alors, le 16 juin, un vendredi. Mokolo ya zomi na motoba. Le 18 juin, un dimanche. Mokolo zomi na mwambe mokolo sanza ya motoba. Mokolo na nimo. 18 juin, un dimanche. Mokolo zomi na mwambe. 16 juin, un vendredi. Zomi na motoba, mokolo ya mitano. Et je me tenais là. Il faisait très chaud. Depuis des semaines. Il n'avait pas plu depuis deux ou trois semaines. Il a contré flambé presque. Et il y avait, je pense, à peu près 7 ou 8 000 personnes sur la rive. Et j'entrais dans l'eau. Avec la 17e personne de celle qui désirait être baptisée. Et lorsque j'ai baptisé, je commençais à baptiser. J'ai dit, comme je t'ai baptisé d'eau, puisse le Seigneur Jésus. Lorsque j'ai dit cela, quelque chose m'a saisi et a dit, regarde en haut. Pendant qu'il offrait la prière pour le baptiser, le Seigneur à qui il s'adressait dit, regarde en haut. Et comme je me retournais pour regarder, après que cela ait été dit pour la troisième fois, sur un rayon d'environ 15 pieds carrés. Et na moulaï penta y a 15 pieds carrés. Donc sur un rayon de 140 mètres carrés. Le cola mètre wana mokama tukumine nui. 140 mètres carrés. Mokama tukumine. La zone qui était flammée par les tourbillons. Bisika kubelkubelkwana izalaki. 140 mètres carrés. Et mètre wana mokama tukumine. Ça tourbillonnait de haut en bas. Bana kubalukana le colo pena. Dans le ciel de rang. Et de là, Kuna? Descendit la même colonne de lumière. Qui entrait quand j'étais un petit enfant. Il me parla dans les buissons ardents. Ou plutôt, là-bas, ce jour-là. Kuna? Qui vint dans cette brousse le feu d'argent. Elle vint se suspendre dans l'air. Là où des milliers de personnes. Et les journaux publiaient des coupures. Publièrent cela dans tous les pays. Nous en avons une coupure déclarant. Lumière mystérieuse apparaît au-dessus d'un prédicateur baptiste. Pendant qu'il baptisait. La coupure de ce journal existe. J'ai vu la photo. Seulement on n'a pas prêté pour que la technique vous pose. Projette ça. Et cette voix descendit et dit, je vais tous encore une fois, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ, de même ton message sera le précurseur de la seconde venue de Christ. La voix dit quoi? Répétez. Pour l'église. Je vous félicite. C'est clair, j'espère. Et tout le monde retient la teneur de ce que la commission a dit. Qui était le précurseur de la première venue de Christ? Qui est le précurseur de la seconde venue de Christ? Pas le messager? Et mon message, je relis. De même que Jean-Baptiste a été envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ, de même ton message sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Le précurseur, c'est Sango. Est-ce que tout le monde retient? L'avez-vous entendu en semaine? La vérité continue à se confirmer. Les nuances, en modifiant pour aller dans un autre sens, cela a produit des fausses doctrines qui ont fait croire aux gens que Jésus serait déjà venu. Ce sont des fausses doctrines. Nous attendons son retour. Un homme est entré dans la tombe attendant le retour de Christ. Il ne faut pas écouter des balivernes. Déjà mal intentionnés. Pour se donner raison dans leur philosophie. Mais la matière est à vous. La matière est entre vos mains. Quand est-ce que cette lumière était descendue? Quand est-ce que cette commission était donnée? Allez méditer. Et revenez en chemin. Il y a de bonnes choses. Il y a de bonnes choses. Bouyaka, mercredi, trois heures ce soir. Amen. Zamba pambola moko na moko na bino. Amen. Kolo pambola bino. Amen. Totalement pona ko sambe. Seigneur, c'est l'éclair, mon chemin. Ma voix, c'est un peu. Comment on a eu mon chemin? Grâce à ce temps d'entendre le message pour nous préparer à son retour. Répentons-nous de nos péchés. Abandonnons la rétrogradation. Cherchons le réveil de la puissance en démonstration. Notre Dieu n'est pas une idole muette. Pas un Dieu impuissant. C'est le Dieu tout puissant. Et chacun invoque Dieu. L'appel sur la scène. Que Dieu soit miséricordieux envers ton âme. La fortifie et la secoue. L'édifie dans la foi de ses âmes. Rétablisse la foi au bon endroit. De la bonne manière. Et qu'elle produise les effets attendus. Et le résultat. Dans ce temps du rétablissement de tout ce qui est. Aie autant de foi que tu peux. Brise toute incrédulité. Dans la présence de Dieu, tout est possible. Pitié de moi. Je suis fils de Dieu. I'm Que Dieu enlève le cœur de pierre. Un pénitent. Un changé. Ouvrier d'iniquité. Convoiteur. Jaloux et méchant. Rancunier. Complexé. Que Dieu change tout ça. Il a les maladies dans son corps. Il a les maladies de caractère. Qu'il te rende à son image. Un chrétien à l'ancienne mode. Maranatha, Jésus revient. Sois prêt à toutes choses. Prions chacun. Vivant, et la montée, la paix, la montée, et la that's all my Merveilleux et fidèle. Nous te remercions et nous t'adorons. Nous glorifions et sanctifions ton nom pour le privilège que tu nous as donné. Dans cette génération perverse et adultère, méchante et jalouse, de connaître ton message qui est le précurseur de ton retour. Tiens mon cœur prêt. Que mon frère soit prêt. Que ma soeur soit prête. Que toute l'église s'apprête. Car le message fait pression. Pour que l'épouse parte d'ici. Donne la conscience à chacun. Rachète les temps. De ne plus gaspiller les temps. Nous sommes occupés de futilité. Que nous puissions être occupés aux affaires du Père. Aux choses du royaume de Dieu. Méditez la parole jour et nuit. Pratiquez la parole. Cherchez la puissance. L'humilité. Et la manifestation de Dieu. Tu as déjà donné les grands signes d'amour. Nous voulons persévérer dans ce sens. Exauce chacun de nous. Bénis cette église. Pourvois tous nos besoins. Spirituel d'abord. Dans les hommes intérieurs. Et aussi au plan matériel. Financier. Sanitaire. Alimentaire. Vestimentaire. À tous égards. Rétablis-nous toutes choses. Et que la gloire de la dernière maison, et cette église que nous sommes, soit plus grande que celle de la première. Tu ne failliras pas, Seigneur. Tu le feras. Toi qui nous appelais, tu es fidèle. Laisse chacun de nous vivre par la foi. Par la foi, restaurée. Loin des imaginations. Et de toutes les fausses doctrines. Garde les pieds. Jusqu'à vainqueurs partout. Ceux qui sont ici, et ceux qui sont loin, ceux qui nous ont salués, bénis les tous, au nom de Jésus-Christ, pour gloire, touche les malades. Seigneur Jésus, souviens-toi. Qui partent maîtriser. Tous les malades sont guéris. Démontre cela encore une fois. Nous cherchons les maladies aujourd'hui. Père, tu es Dieu compatissant. Le cri des âmes qui souffrent. Le cœur qui s'afflige. Attends et console-nous. Donne la joie. Que tous nos os te glorifient. Tous nos muscles te glorifient. Au nom de Jésus-Christ. Te prions. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu soit loué. Et entendez, nous arrivons à la dernière étape. Voilà. Par la grâce de Dieu. Voilà. Et bénissons son nom.